Monsieur, de nous vouloir aider séant dans une affaire qui s'y passe. Oh, Coviel, qui t'aurait reconnu? Comme te voilà ajusté. Vous voyez? Et de quoi ris-tu? Oh, d'une chose, monsieur, qui le mérite bien. Comment? Je vous le donnerai en bien des fois, monsieur, à deviner le stratagème dont nous nous servons auprès de monsieur Jourdain pour porter son esprit à donner sa fille à mon maître. Je ne devine point le stratagème, mais je devine qu'il ne manquera pas de faire son effet puisque tu l'entreprends. Oh, je sais, monsieur, que la bête vous est connue. Apprends-moi ce que c'est. Prenez la peine de vous tirer un peu plus loin pour faire place à ce que j'aperçois venir. Vous pourrez voir une partie de l'histoire tandis que je vous conterai le reste. Questa, alla Batista, alla Batista. Yok. Swindista. Yok. Cofita. Yok. Usita, morista, fronista. Yok, yok, yok. Yok, yok, yok. Star pagana. Yok. Luterana. Yok. Puritana. Yok. Bramina, moffina, azzurina. Yok, yok, yok. Yok, yok, yok. Mametana, Mametana. Hey, mala, hey, mala, hey, mala, mala, mala. Hey, mala, hey, mala, hey, mala, mala, mala. Como chamara? Uh-huh. Como chamara? Giordina, Giordina. Giordina? Giordina. Giordina, Giordina. Giordina, Giordina, Giordina. Ah! Mm. Giordina, vi pregar sere mattina. Mahometta per Giordina, vi pregar sere mattina. voler far un paladina, de giordina, de giordina, dar turbanta e dar scarsina, con galere brigantina, per defender Palestina. Dar turbanta e dar scarsina, con galere brigantina, per defender Palestina. Mahometa per Giordina, mi pregar sere mattina. Mahometa per Giordina, mi pregar sere mattina. Sta bon turca Giordina, Hivala, Hivala. Star bon turca Giordina, Giordina, Hivala, Hivala. Ala ba, bara shu, bara ba, bara da, bara ba, bara da, bara ba, bara da, bara ba, bara shu, bara ba, bara da, bara ba, bara shu, bara ba, bara da, bara ba, bara da, bara ba, bara da, bara ba, bara shu, bara ba. Furba, no, no, no, non star for fanta, no, no, no, non star for fanta, no, no, no, dolor turbanta, dolor turbanta, dolor turbanta, dolor turbanta, ti non star furba, no, no, no, ti non star furba, no, no, no, non star for fanta, no, no, no, dolor turbanta. Non star favola, non star favola, non star favola, pigliar sciavola, pigliar sciavola, pigliar sciavola, pigliar sciavola, pigliar sciavola. Ti star nobile, non star favola, ti star nobile, non star favola, pigliar sciavola, pigliar sciavola, pigliar sciavola, pigliar sciavola. Yeah. Questa storia l'ultima affronta, non te.